qu'un lot avec un cœur d'homme. Trop loyal comme Westbrook, sous-côté comme Ali Burton. Plus rien ne me surpasse, le bonheur m'a laissé sur place. Dans ma tête il caille comme hockey sur glace. Déjà petit je voulais tout prendre comme l'empire byzantin. Je passe mes nuits sur les routes et je passe ma vie dans le train. Quelques plafonds dans le coin, sur la défensive mais sans crainte. 6 ans plus tard les stars relèveront mes empreintes. Et c'est donc ça la vie, casqué seul la nuit sur la bécane. Et le fou qui parle dans ma tête pour seul ami. Et ça remonte de l'Espagne et moi je viens pas dans l'Ange. Je m'en bats les couilles, toujours sur la route. Tout comme la douane volante, tous des vendeurs des Jap et britanniques. Fils de pute en italique, voudrais que je monte à bord du Titanic. Aigri et violent depuis la maternelle. Je fête pas mes anniversaires car j'aurais voulu être éternel. Mon avenir dans des guildes, c'est. Alors oui, je sais, mais oui, je le sais. Quand la rue, je l'ai fiancé. Je sais que le diable est parti danser. Mon avenir dans des guildes, c'est. Alors oui, je sais, mais oui, je le sais. Quand la rue, je l'ai fiancé. J'sais que le temps est parti danser. Mineur, je me fais péter sans m'y perdre. Et ça me casse les couilles, ouais. Comme sortir de la douche en hiver. J'voulais une gâchette ni trop hard ni trop soft. Faut que le salaire d'un philosophe. J'pèserai comme Microsoft. On a mis crap sur la perse. On a jobé sous la verse. Toujours en 4-3-3 face à l'équipe adverse. Le cœur palpite quand le moteur fait des siennes. Comment faire confiance à ce monde? Quand même les loups font des chiennes. Dans mon cœur y'a trop de rage. Trop de sang à notre âge. Qui m'enverra la bouée quand bateau fera naufrage. C'est pas trop grave, mon doux m'a pris en otage. Merde. Et je sais qu'un jour j'écrirai pas d'autres pages. Pour le paftard fourgué de la MD dans les allées basses. Mais je regarde ma mère et je vois que les années passent. Mon rêve de Tom, c'est Black Code, on parle de Tom 4. J'ai peur de partir un soir d'automne. Mon avenir dans des guildes, c'est. Alors oui, je sais, mais oui, je le sais. Quand la rue, je l'ai fiancé. Je sais que le diable est parti danser. Mon avenir dans des guildes, c'est. Alors oui, je sais, mais oui, je le sais. Quand la rue, je l'ai fiancé. J'sais que le diable est parti danser. J'm'en bats les couilles de savoir qui le valait si bien. Fatou, mon ciel est noir comme enfant palestinien. Ça s'arrêtera quand? T'es qu'une salope si tu choisis pas de camp. Moi j'suis la haine arme en provenance des Balkans. Et j'me sens mal, enfin j'crois. On m'a dit que c'est la fin, ouais. Et la fin de quoi? J'm'en bats les couilles de qui menace. Contre les années qui me lassent. Les fils de pute feront des fils de lâche. Mon avenir dans des guildes, c'est. Alors oui je sais, mais oui je le sais. Quand la rue je l'ai fiancé. Je sais que le diable est parti danser. Mon avenir dans des guildes, c'est. Alors oui je sais, mais oui je le sais. Quand la rue je l'ai fiancé. Je sais que le diable est parti danser.